Dans cette dernière émission de la série intitulée « Rencontre avec Jésus », nous allons parler de Marie de Magdala, ou comme d'autres versions la nomment, de Marie-Madeleine. Qu'on parle de Marie de Magdala ou de Marie-Madeleine, il s'agit donc de la même personne. Il existe pourtant une certaine confusion à son sujet. C'est quand on l'identifie à la femme pécheresse de Luc chapitre 7. Rien ne nous autorise à le faire, et c'est donc injustement qu'on lie le nom de Marie-Madeleine à celui d'une femme légère, quand on dit par exemple « Eh bien, c'est une Marie-Madeleine ». Ce que nous savons avec certitude de cette femme, c'est qu'elle a été délivrée de sept démons. Le texte ne précise rien de plus à ce sujet. Mais il nous dit de cette Marie qu'elle suivait et servait Jésus lorsqu'il était en Galilée et qu'elle l'assistait avec d'autres femmes de ses biens. Quel bonheur quand quelqu'un ayant été libéré par Jésus-Christ montre sa reconnaissance en le servant. On peut faire cela de tant de manières, avec ses biens, avec son temps, avec les dons qu'il nous a donnés. On raconte que le grand explorateur David Livingstone, dans ses nombreuses allées-venues en Afrique, aurait passé près d'un marché d'esclaves. Ses yeux furent frappés par un beau jeune homme qui était là avec les autres, attendant d'être vendu. Livingstone se dirige vers le propriétaire, s'informa du prix et acheta l'esclave. Il le prit et continua son chemin. Arrivé hors du village, il s'arrêta et lui dit « Tu es libre, tu peux partir, va dans ta famille. » L'esclave ne comprenait rien à toute cette affaire. Il fit remarquer qu'il venait d'être acheté et qu'il était la propriété de son nouveau possesseur. Alors Livingstone lui expliqua qu'il l'avait acquis pour lui donner la liberté. Quand l'Africain comprit, il s'exclama avec émotion « Non, je ne quitterai jamais un maître qui m'a acheté pour me donner la liberté. » N'était-ce pas le cas de Marie-Madeleine? Elle non plus ne voulait pas abandonner son sauveur et libérateur. Après l'avoir suivi en Galilée, elle s'est trouvée devant la croix, alors que les disciples avaient abandonné leur maître. Elle s'est assise vis-à-vis du sépulcre lors de l'ensevelissement. Et le troisième jour après la crucifixion, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Comme la voilà triste et désorientée, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Ce n'est qu'alors qu'elle a regardé dans le sépulcre et qu'elle a entendu la voix de deux anges qui lui ont demandé « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Voilà une question délicate. Marie ne s'est pas effrayée en voyant les anges, ni en entendant leur voix. Elle leur a immédiatement répondu « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Jésus était toujours son Seigneur. Et dans son cœur, il y avait une seule préoccupation, le retrouver. Heureux êtes-vous, auditeurs et auditrices, si vous cherchez le Seigneur. Pour Marie-Madeleine, il l'avait enlevé. Permettez-moi de prendre ces mots comme illustration pour parler de ce qui se passe de nos jours. Que de gens pourraient, il est vrai dans un sens différent, dire avec Marie « Ils ont enlevé mon Seigneur. » Mais qui sont ces « ils » ? Des professeurs à l'école, à l'université, de faux docteurs qui prêchent d'autres théories, d'autres idéologies, de faux apôtres avec des enseignements qui ne sont pas ceux de l'Évangile de Christ et qui mettent ainsi des obstacles pour qu'on ne puisse plus voir le Seigneur ? Des gens qui prêchent une fausse liberté. L'apôtre Paul, dans une profonde douleur, a écrit aux chrétiens de Galatie « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Galates 3, 1. Aux Corinthiens, les membres d'une autre église fondée par Paul, et où ils constataient l'action et l'influence de personnes déguisées en apôtres de Christ, il a écrit le cœur étreint. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, 2 à 3. Ce sont les propres paroles de Marie-Madeleine qui m'ont poussé à ces observations, avec l'intention d'interpeller un auditeur qui ne sait vraiment plus où est son Seigneur. Venez, revenez à la simplicité de l'Évangile. Abandonnez vos doutes, rejetez les sophismes, afin que vous ne soyez plus flottants et emportés par tout vent de doctrine. Dans le récit de Jean, chapitre 20, nous lisons une deuxième fois la question. Femme, pourquoi pleures-tu? Cette fois, c'est Jésus qui cherche Marie. Y aurait-il parmi vous, auditrices et auditeurs, des gens qui pleurent? Si vous laissiez Jésus vous poser la question, comme il l'a posée à Marie, pourquoi pleures-tu? Quelle est la cause de vos larmes? Jésus le sait, tout aussi bien qu'il le savait de Marie. Peut-être a-t-il permis la tristesse et la douleur, afin de toucher votre cœur. À vous donc, je m'adresse par ces paroles d'un cantique. Quelqu'un te cherche au cœur troublé, qui cache ta misère. Quelqu'un te dit, mon sang versé, t'ouvre les bras du Père. Son cœur compatit à ton sort. Il t'aime avec tendresse. Il veut te ramener au port. En lui, plus de détresse. Jésus pose à Marie une deuxième question. Qui cherches-tu? Il le savait fort bien, mais il voulait l'entendre de la bouche même de Marie. Il y a des questions qui sont faites pour nous faire réfléchir. Il serait profitable que nous réfléchissions à notre tour. Quoi ou qui cherchons-nous? J'ai vu des chercheurs de diamants. Les uns cherchent des pierres précieuses, d'autres de l'or. Dans le nord du Brésil, à un endroit appelé Serra Pelada, montagne pelée, des dizaines de milliers d'hommes sont à la recherche du métal précieux. Une fois, quelqu'un y a trouvé une pépite de 12 kilos, et un autre en a trouvé une qui pesait la bagatelle de 36 kilos. Alors que des milliers cherchent et cherchent sans rien trouver. La chance, la richesse, la détresse, et la misère? Que cherchez-vous? Pleurez-vous parce que jusqu'à ce jour, vous n'avez pas trouvé? Trouvez quoi? Trouvez qui? Dans le récit de la résurrection de Jésus selon l'évangile de Matthieu, nous lisons ces belles paroles de l'ange. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Donc, chers auditeurs, rien à craindre si vous cherchez Jésus-Christ. Marie, elle n'a répondu ni au pourquoi, ni au qui. Le qui lui paraissait si évident que, croyant être en présence du jardinier, elle lui a dit en toute simplicité. « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Elle n'avait pas encore reconnu Jésus. Parfois, il est vrai, la tristesse, le désespoir et le désarroi peuvent nous empêcher de voir le Seigneur qui est la solution de notre problème. Mais le Seigneur, lui, n'est pas empêché de venir au secours de cette pauvre femme et de lui apporter toute la consolation dont elle avait besoin. Jésus lui dit, « Marie !» Que n'y avait-il pas dans ce simple nom, prononcé par le Seigneur, toute l'histoire de cette vie transformée par la puissance de Dieu. Marie, mettons en parallèle les paroles du prophète. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Ce Marie reçoit aussitôt une réponse. Maître, quelle rencontre! Tout ce qu'elle cherchait si ardemment était là. Retrouver son maître dont elle était disciple dévouée. Quelle consolation, quel baume! Les larmes sont séchées à l'instant et de nouveau elle peut le servir, cette fois différemment. Elle obéit à la parole de son Seigneur. Va trouver mes frères. Et elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Cette femme consolée devient à son tour une femme qui console et qui apporte la bonne nouvelle aux affligés. Êtes-vous consolés, chers auditeurs? Ne permettez pas la tristesse de vous écraser. Ne vous donnez pas de repos avant de pouvoir dire comme Marie, « Maître, combien je le désire pour vous. Il veut vous consoler et vous employer pour en consoler d'autres. »